Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. I'm not afraid to die. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. SourgiFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Wake up in the morning feeling life's paved in. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones. Phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Souvenez-vous, Two Brothers on the Fourth Floor, dans les années 90, Dream. Le mix de vidéo. We'll be right back.

de Ludo. Le mix de Ludo. Thank you.

werde ich abschalten. Werde ich abschalten. Werde ich abschalten. Ohne dich weiß ich nicht, was ich tun soll. Was ich tun soll. Bleib in meiner Nähe. Bleib in meiner Nähe. Denn ohne dich, denn ohne dich werde ich abschalten. Werde ich abschalten. Thank you. Ludo in the Mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Souvenir, à l'instant c'était Prodigy, Voodoo People, voici Yves the Reader, Calling Heart. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h, avec le mix de Ludo, on a encore moins d'une heure à passer ensemble, essayons de faire les choses bien, souvenir, techno. Et tout ça sur Sorgi FM. Ludo in the Mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. We'll be right back.

et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Let's go. Going to high.

de Ludo. Le mix de Ludo. Le... Passez une bonne soirée à l'écoute de Serge FM. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. 21h, 23h, n'oubliez pas. Rendez-vous demain, samedi. Barbra Streisand. You don't need

Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Une bonne soirée à l'écoute sur GFM, on se retrouve demain. Nouvelle édition du Mix du Ludo, 21h-23h. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur SorgFM. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot.

Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.